Livre 11, deuxième partie du Paradis perdu de John Milton, traduit par François René, vicomte de Chateaubriand. Cet enregistrement LibreVox fait partie du domaine public. Enregistrement par Thomas Copeland. Livre 11, deuxième partie. Adam ouvrit les yeux et vit un champ. Dans une partie de ce champ, arable et labouré, étaient des javelles nouvellement moissonnées. Dans l'autre partie, des parcs et des pâturages de brebis. Au milieu, comme une borne d'héritage, s'élevait un autel rustique de gazon. Là, tout à l'heure, un moissonneur, couvert de sueur, apporta les premiers fruits de son labourage, l'épi vert et la gerbe jaune, non triés, et comme ils s'étaient trouvés sous la main. Après lui, un berger, plus doux, vint, avec les premiers-nés de son troupeau, les meilleurs et les mieux choisis. Alors les sacrifiant, il en étendit les entrailles et la graisse parsemées d'encens sur du bois fendu, et il accomplit tous les rites convenables. Bientôt un feu propice du ciel consuma son offrande avec une flamme rapide et une fumée agréable. L'autre offrande ne fut pas consumée, car elle n'était pas sincère. De quoi le laboureur sentit une rage intérieure, et comme il causait avec le berger, il le frappa au milieu de la poitrine d'une pierre qui lui fit rendre la vie. Il tomba, et mortellement pâle, exhala son âme, gémissante avec un torrent de sang répandu. À ce spectacle, Adam fut épouvanté dans son cœur et en hâte cria à l'ange, « Ô maître, quelque grand malheur est arrivé à ce doux homme qui avait bien sacrifié. Est-ce ainsi que la piété et une dévotion pure sont récompensées ?» Michel, ému aussi, répliqua, « C'est de-ci son frère Adam, et ils sortiront de tes reins. L'injuste a tué le juste, par envie de ce que le ciel avait accepté l'offrande de son frère. Mais l'action sanguinaire sera vengée, et la foi du juste approuvé ne perdra pas sa récompense, bien que tu le voies ici mourir, se roulant dans la poussière et le sang caillé. Notre premier père, hélas, pour quelle action et par quelle cause? Mais ai-je vu maintenant la mort? Est-ce par ce chemin que je dois retourner à ma poussière natale? Ô spectacle de terreur, mort difforme et affreux à voir, horrible à penser, combien horrible à souffrir! » Michel, tu as vu la mort sous la première forme dans laquelle elle s'est montrée à l'homme. Mais variées sont les formes de la mort, nombreux les chemins qui conduisent à sa caverne effrayante. Tous sont funestes. Cependant, cette caverne est plus terrible pour les sens à l'entrée qu'elle ne l'est au-dedans. Quelques-uns, comme tu l'as vu, mourront d'un coup violent. Quelques autres par le feu, l'eau, la famine. Un bien plus grand nombre par l'intempérance de boire et de manger, qui produira sur la terre de cruelles maladies, dont une troupe monstrueuse va paraître devant toi, afin que tu puisses connaître quelle misère une abstinence d'Ève apportera aux hommes. Aussitôt, parut devant ses yeux un lieu triste, infect, obscur, qui ressemblait à un lazaret. Dans ce lieu étaient des multitudes de malades, toutes les maladies qui causent d'horribles spasmes, de déchirantes tortures, de défaillances de cœur, souffrant l'agonie, les fièvres de toute espèce, les convulsions, les épilepsies, les cruels catarrhes, la pierre intestine et l'ulcère, la colique aiguë, la frénésie démoniaque, la mélancolie songeresse et la lunatique démence, la languissante atrophie, le marasme, la peste qui moissonne largement, les hydropisies, les asthmes et les rhumatismes qui brisent les joints. Cruelles étaient les secousses, profonds les gémissements. Le désespoir, empressé de lit en lit, visitait les malades, et sur eux la mort triomphante brandissait son dard. Mais elle différait de frapper, quoique souvent invoquée par leurs voeux comme leur premier bien et leur dernière espérance. Quel cœur de rocher aurait pu voir longtemps d'un œil sec un spectacle si horrible? Adam ne le put, et il pleura, quoiqu'il ne fût pas né de la femme. La compassion vainquit ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, et pendant quelques moments le livra aux pleurs. Jusqu'à ce que de plus fermes pensées en modérèrent enfin l'accès. Recouvrant à peine la parole, il renouvela ses plaintes. Ô malheureuse espèce humaine, à quel abaissement descendu, à quel misérable état réservé! Mieux vaudrait n'être pas né. Pourquoi la vie nous a-t-elle été donnée si elle nous doit être ainsi arrachée? Plutôt, pourquoi nous a-t-elle été ainsi imposée? Qui, si nous connaissions ce que nous recevons, voudrait accepter la vie offerte, ou aussitôt ne demanderait à le déposer, content d'être renvoyé en paix? L'image de Dieu, créée d'abord dans l'homme si belle et si droite, quoique depuis fautive, peut-elle être ravalée à des souffrances hideuses à voir, à des tortures inhumaines? Pourquoi l'homme, retentant encore une partie de la ressemblance divine, ne serait-il pas affranchi de ses déformités? Pourquoi n'en serait-il pas exempté par égard pour l'image de son Créateur? L'image de leur Créateur, répondit Michel, se retirait d'eux quand ils se sont avilis eux-mêmes pour satisfaire des appétits déréglés. Ils prirent alors l'image de celui qu'ils servaient, du vice brutal qui principalement induisit Ève au péché. C'est pour cela que leur châtiment est si abject. Ils ne défigurent pas la ressemblance de Dieu, mais la leur. Ou si cette ressemblance est par eux-mêmes effacée, lorsqu'ils pervertissent les règles saines de la pure nature en maladie dégoûtante, ils sont punis convenablement, puisqu'ils n'ont pas respecté en eux-mêmes l'image de Dieu. Je reconnais que cela est juste, dit Adam, et je m'y soumets. Mais n'est-il d'autre voie que ces pénibles sentiers pour arriver à la mort et nous mêler à notre poussière consubstantielle? Il en est une, dit Michel, si tu observes la règle rien de trop, règle enseignée par la tempérance dans ce que tu manges et bois, cherchant une nourriture nécessaire et non de gourmande délices, jusqu'à ce que les années reviennent nombreuses sur ta tête, puisses-tu vivre ainsi, jusqu'à ce que comme un fruit mûr tu tombes dans le sein de ta mère, ou que tu sois cueilli avec facilité, non arraché avec rudesse, étant mûr pour la mort. Ceci est le vieil âge. Mais alors tu survivras à ta jeunesse, à ta force, à ta beauté devenue fanée, faible et grise. Alors tes sens émoussés perdront tout goût de plaisir pour ce que tu as. Au lieu de ce souffle de jeunesse, de gaieté et d'espérance, circulera dans ton sang une vapeur mélancolique, froide et stérile, pour appesantir tes esprits et consumer enfin le baume de ta vie. Notre grand ancêtre, désormais je ne fuis point la mort, ni ne voudrais prolonger beaucoup ma vie, incliné plutôt de m'enquérir comment je puis le plus doucement et le plus aisément quitter cet incommode fardeau qu'il me faudra porter jusqu'au jour marqué pour le rendre, et attendre avec patience la dissolution. Michel répliqua : n'aime ni ne hais ta vie, mais ce que tu vivras, vis le bien. Ta vie sera-t-elle longue ou courte, laisse faire au ciel. Prépare-toi maintenant à un autre spectacle. Adam regarda et il vit une plaine spacieuse, couverte de tentes de différentes couleurs. Près de quelques-unes passaient des troupeaux de bétail. De plusieurs autres, on entendait s'élever le son d'instruments qui produisaient les mélodieux accords de la harpe et de l'orgue. On voyait celui qui faisait mouvoir les touches et les cordes. Sa main légère, par toutes les proportions, volait inspirée en bas et en haut et poursuivait en travers la fugue sonore. Dans un autre endroit se tenait un homme qui, travaillant à la forge, avait fondu deux massifs blocs de fer et de cuivre. Soit qu'il les eût trouvés là, où un incendie fortuit avait consumé les bois sur une montagne ou dans une vallée, embrasement descendu dans les veines de la terre, et de là faisant couler la matière brûlante par la bouche de quelque cavité, soit qu'un torrent eût dégagé ses masses de dessous la terre, l'homme versa le minéral liquide dans des moules exprès préparés. Il en forma d'abord ses propres outils, ensuite ce qui pouvait être façonné par la fonte ou gravé en métal. Après ces personnages, mais du côté le plus rapproché d'eux, des hommes d'une espèce différente, du sommet des montagnes voisines, leur séjour ordinaire, descendirent dans la plaine. Par leurs manières, ils semblaient des hommes justes, et toute leur étude les portait à adorer Dieu en vérité, à connaître ses ouvrages non cachés et ses choses qui peuvent maintenir la liberté et la paix parmi les hommes. Il n'y aura pas longtemps marché dans la plaine quand voici venir des tentes une volée de belles femmes, richement parées de pierreries et de voluptueux atours. Elles chantaient sur la harpe de douces et amoureuses ballades et s'avançaient en dansant. Les hommes, quoique graves, les regardèrent et laissèrent leurs yeux errer sans frein. Puis tout d'abord au filet amoureux ils aimèrent, et chacun choisit celle qu'il aimait. Ils s'entretinrent d'amour jusqu'à ce que l'étoile du soir, avant-coureur de l'amour, parut. Alors, plein d'ardeur, ils allument la torche nuptiale et ordonnent d'invoquer l'hymen, pour la première fois aux cérémonies du mariage invoquées alors. De fêtes et de musique, toutes les tentes retentissent. Cette entrevue si heureuse, cette rencontre charmante d'amour et de jeunesse non perdue, ces chants, ces guirlandes, ces fleurs, ces agréables symphonies attachent le cœur d'Adam, promptement incliné à se rendre à la volupté, penchant de la nature, sur quoi il s'exprime de cette manière. Ô toi qui m'as véritablement ouvert les yeux, premier ange béni, cette vision me paraît bien meilleure et présage plus d'espérance de jours pacifiques que les deux visions précédentes. Celles-là étaient des visions de haine et de mort, ou de souffrance pire. Ici, la nature semble remplie dans toutes ses fins. Michel, ne juge point de ce qui est meilleur par le plaisir, quoique paraissant convenir à la nature. Tu es créé pour une plus noble fin, une fin sainte et pure, conformité divine. Ces tentes que tu vois si joyeuses sont les tentes de la méchanceté, sous lesquelles habitera la race de celui qui tua son frère. Ces hommes paraissaient ingénieux dans les arts qui polissent la vie, inventeurs rares. oublié de leur créateur, quoique enseigné de son esprit. Mais ils ne reconnaissent aucun de ces dons. Toutefois, ils engendreront une superbe race. Car cette belle troupe de femmes que tu as vues, qui semblaient des divinités, si enjouées, si attrayantes, si gaies, sont cependant vides de ce bien dans lequel consiste l'honneur domestique de la femme et sa principale gloire. Nourrie et accomplie seulement pour le goût d'une appétence lascive, pour chanter, danser, se parer, remuer la langue et rouler les yeux. Cette sobre race d'hommes, dont les vies religieuses leur avaient acquis le titre d'enfants de Dieu, sacrifieront ignoblement toute leur vertu, toute leur gloire, aux amorces et aux sourires de ces belles athées. Ils nagent maintenant dans la joie, et ils nageront avant peu dans un plus large abîme. Ils rient, et pour ce rire, la terre avant peu versera un monde de pleurs. Adam, privé de sa courte joie, ô pitié, ô honte, que ceux qui, pour bien vivre, débutèrent si parfaitement, se jettent à l'écart, suivent des sentiers détournés ou défaillent à moitié chemin. Mais je vois toujours que le malheur de l'homme tient de la même cause. Il commence, dit l'ange, à la mollesse efféminée de l'homme, qui aurait dû mieux garder son rang par la sagesse et par les dons supérieurs qu'il avait reçus. Mais à présent, prépare-toi pour une autre scène. Adam regarda, et il vit un vaste territoire déployé devant lui, entrecoupé de villages et d'ouvrages champêtres. Cités pleines d'hommes avec des portes et des tours élevées, concours de peuple en armes, visages hardis menaçant la guerre, géants aux grands os et d'une entreprenante d'audace. Ceux-ci manient leurs armes, ceux-là domptent le coursier écumant. Isolés ou rangés en ordre de bataille, cavaliers et fantassins ne sont pas là pour une montre oisive. D'un côté, un détachement choisi amène du fourrage un troupeau de gros bétail, de beaux bœufs et de belles vaches, enlevés des gras pâturages, ou une multitude laineuse, des brebis et leurs bêlants agneaux butinés dans la plaine. Le berger échappe à peine avec la vie, mais il appelle au secours. De là, une rencontre sanglante. Dans une cruelle joute, les escadrons se joignent. Là où ils paissaient tout à l'heure, les troupeaux sont maintenant dispersés avec les carcasses et les armes, sur le sol sanglant, changé en désert. D'autres guerriers campés mettent le siège devant une forte cité. Ils l'assaillent par la batterie, l'escalade et la mine. Du haut des murs, les assiégés se défendent avec le dard et le javeline, avec des pierres et un feu de soufre. De part et d'autre, carnage et faits gigantesques. Ailleurs, les héros qui portent le sceptre convoquent le conseil aux portes d'une ville. Aussitôt, des hommes graves et à tête grise, confondus avec des guerriers, s'assemblent. Des harangues sont entendues, mais bientôt elles éclatent dans l'opposition factieuse. Enfin, se levant, un personnage de moyen âge, éminent par son sage maintien, parle beaucoup de droit et de tort, d'équité, de religion, de vérité, et de paix et de jugement d'en haut. Vieux et jeunes le frondent, il se saisit avec des mains violentes, si un nuage descendant ne l'eût enlevé sans être vu du milieu de la foule. Ainsi procédait la force et l'oppression et la loi de l'épée dans toute la plaine. et nul ne trouvait un refuge. Adam était tout en pleurs. Vers son guide il tourne gémissant et plein de tristesse. « Oh, qui sont ceux-ci ? Des ministres de la mort, non des hommes, eux qui distribuent ainsi la mort inhumainement aux hommes, et qui multiplient 10 000 fois le péché de celui qui tua son frère. Car de qui font-ils un tel massacre, sinon de leur frère ? Hommes, ils égorgent des hommes. » Mais quel était ce juste qui, si le ciel ne l'eût sauvé, eût été perdu dans toute sa droiture? Michel. Ceux-ci sont le fruit de ces mariages mal sortis que tu as vus, dans lesquels le bon est appareillé au mauvais, qui, d'eux-mêmes, abhorrent de s'unir. Mêlés par imprudence, ils ont produit ces enfantements monstrueux de corps ou d'esprit. Tels seront ces géants, hommes de haute renommée, car dans ces jours la force seule sera admirée et s'appellera valeur et héroïque vertu. Vaincre dans les combats, subjuguer les nations, rapporter les dépouilles d'une infinité d'hommes massacrés, sera regardé comme le fait le plus élevé de la gloire humaine, et pour la gloire obtenue du triomphe, seront réputés conquérants, patrons de l'espèce humaine, Dieu et fils de Dieu, ceux-là qui seraient nommés plus justement destructeurs et fléaux des hommes. Ainsi s'obtiendront la réputation, la renommée sur la terre, et ce qui mériterait le plus la gloire restera caché dans le silence. Mais lui, le septième de tes descendants que tu as vu, l'unique juste dans un monde pervers, pour cela haï, pour cela obsédé d'ennemis, parce qu'il a seul osé être juste et annoncé cette odieuse vérité que Dieu viendrait les juger avec ses saints. Lui, le Très-Haut, l'a fait ravir par des coursiers ailés sur une nue embaumée. Il l'a reçu pour marcher avec Dieu dans la haute voie du salut, dans les régions de bénédiction, exempt de mort. Afin de te montrer quelle récompense attend les bons, quelle punition les méchants, dirige ici à présent tes regards et contemple. Adam regarda, et il vit la face des choses entièrement changée. La gorge de bronze de la guerre avait cessé de rugir. Tout alors était devenu folâtrie et jeu, luxure et débauche, fête et danse, mariage ou prostitution au hasard, rapt ou adultère, partout où une belle femme venant à passer amorçait les hommes. De la coupe des plaisirs sortirent des discordes civiles. À la fin, un personnage vénérable vint parmi eux, leur déclara la grande aversion qu'il avait de leurs actions et protesta contre leur voix. Il fréquentait souvent leurs assemblées où il ne rencontrait que triomphe ou fête, et il leur prêchait la conversion et le repentir comme à des âmes emprisonnées sous le coup d'arrêts imminents. Mais le tout en vain. Quand il vit cela, il cessa ses remonstrances et transporta ses tentes au loin. Alors, abattant sur la montagne de hautes pièces de charpente, il commença à bâtir un vaisseau d'une étrange grandeur. Il le mesura par coudées, en longueur, largeur et hauteur. Il l'enduisit de bitume, et dans un côté, il pratiqua une porte. Il le remplit en quantité de provisions pour l'homme et les animaux. Qu'en voici un étrange prodige. Chaque espèce d'animaux, d'oiseaux et de petits insectes vinrent sept et par paire et entrèrent dans l'arche comme ils en avaient reçu l'ordre. Le père et ses 3 fils et leurs 4 femmes entrèrent les derniers, et Dieu ferma la porte. En même temps, le vent du midi s'élève, et avec ses noires ailes volant au large, il rassemble toutes les nuées de dessous le ciel. À leur renfort, les montagnes envoient vigoureusement les vapeurs et les exhalaisons sombres et humides, et alors le firmament épaissi se tient comme un plafond obscur. En bas se précipite la pluie impétueuse, et elle continua jusqu'à ce que la terre ne fût plus vue. L'arche flottante nagea soulevée, et en sûreté avec le bec de sa proue alla luttant contre les vagues. L'inondation monta par-dessus toutes les habitations qui roulèrent avec toute leur pompe au fond, sous l'eau. La mer couvrit la mer, mer sans rivage. Dans les palais, où peu auparavant régnait le luxe, les monstres marins mirent bas et s'établèrent. Du genre humain, naguère si nombreux, tout ce qui reste surnage embarqué dans un petit vaisseau. Combien tu souffris alors, ô Adam, de voir la fin de toute ta postérité, fin si triste, des populations. Toi-même, autre déluge, déluge de chagrin et de larmes, toi aussi fus noyé, et toi aussi abîmé comme tes fils, jusqu'à ce que par l'ange doucement relevé, tu te tins debout enfin, bien que désolé. Comme quand un père pleure ses enfants, tous à sa vue détruits à la fois. À peine tu pus exprimer ainsi ta plainte à l'ange. Ô vision malheureusement prévue, mieux j'aurais vécu ignorant de l'avenir. Je n'aurais eu du mal que ma seule part. C'est assez de supporter le lot de chaque jour. À présent, ces peines, qui divisées sont le fardeau de plusieurs siècles, pèsent à la fois sur moi par ma connaissance antérieure. Elles obtiennent une naissance prématurée afin de me tourmenter avant leur existence par l'idée de ce qu'elles seront. Que nul homme ne cherche désormais à savoir d'avance ce qui arrivera à lui ou à ses enfants. Il peut se tenir bien assuré du mal que sa prévoyance ne peut prévenir, et le mal futur, il ne le sentira pas moins pénible à supporter en appréhension qu'en réalité. Mais ce soin est à présent inutile. Il n'y a plus d'hommes à avertir. Ce petit nombre échappé sera consumé à de longue par la famine et les angoisses, en errant dans ce désert liquide. J'avais espéré, quand la violence et la guerre eurent cessé sur la terre, que tout alors irait bien, que la paix couronnerait l'espèce humaine d'une longue suite d'heureux jours. Mais j'étais bien trompé. Car je le vois maintenant, la paix ne corrompt pas moins que la guerre ne dévaste. Comment en arrive-t-il de la sorte? Apprends-le-moi, céleste guide, et dis si la race des hommes doit ici finir. Michel, ceux que tu as vus dernièrement en triomphe et dans une luxurieuse opulence sont ceux que tu vis d'abord faisant des actes d'éminentes prouesses et de grands exploits, mais ils étaient vides de la véritable vertu. Après avoir répandu beaucoup de sang, commis beaucoup de ravages pour subjuguer les nations, et acquis par là dans le monde une grande renommée, de hauts titres et un riche butin, ils ont changé leur carrière en celle du plaisir, de l'aisance, de la paresse, de la crapule et de la débauche, jusqu'à ce qu'enfin l'incontinence et l'orgueil aient fait naître de l'amitié, d'hostiles actions dans la paix. Les vaincus aussi, et les esclaves par la guerre, avec leur liberté perdue, perdront toute vertu, et la crainte de Dieu, auprès de qui leur hypocrite piété dans la cruelle contention des batailles ne trouvera point de secours contre les envahisseurs. Par cette raison refroidie dans leur zèle, ils ne songeront plus désormais qu'à vivre tranquilles, mondains ou dissolus avec ce que leurs maîtres leur laisseront pour en jouir. Car la terre produira toujours plus qu'assez pour mettre à l'épreuve la tempérance. Ainsi, tout dégénérera, tout se dépravera. La justice et la tempérance, la vérité et la foi seront oubliées. Un homme sera excepté, fils unique de lumière, dans un siècle de ténèbres. Bon, malgré les exemples, malgré les amorces, les coutumes et un monde irrité. Sans craindre le reproche et le mépris ou la violence, il avertira les hommes de leurs uniques voies. Il tracera devant eux les sentiers de la droiture beaucoup plus sûrs et pleins de paix, leur annonçant la colère prête à visiter leur impénitence, et il se retirera d'entre eux insulté, mais au regard de Dieu, le seul homme juste vivant. Par son ordre, il bâtira une arche merveilleuse, comme tu l'as vu, pour se sauver lui et sa famille du milieu d'un monde dévoué à un naufrage universel. Il ne sera pas plutôt logé dans l'arche et à couvert avec les hommes et les animaux choisis pour la vie, que toutes les cataractes du ciel s'ouvrant verseront la pluie jour et nuit sur la terre. Tous les réservoirs de l'abîme crèveront et enfleront l'océan, qui usurpera tous les rivages, jusqu'à ce que l'inondation s'élève au-dessus des plus hautes montagnes. Alors ce mont du paradis sera emporté par la puissance des vagues hors de sa place, poussé par le débordement cornu, dépouillé de toute sa verdure et ses arbres en dérive, il descendra vers le grand fleuve jusqu'à l'ouverture du golfe. Et là, il prendra racine. Il, salé et nu, hantise des phoques, des orques et des mouettes aux cris perçants. Ceci doit apprendre que Dieu n'attache la sainteté à aucun lieu, si elle n'y est apportée par les hommes qui le fréquentent ou l'habitent. Et regarde maintenant ce qui doit s'en suivre. Adam regarda, et il vit l'arche flotter sur l'amas des eaux, qui maintenant s'abaissait, car les nuages avaient fui, chassés par un vent aigu du nord, qui, soufflant sec, ridait la face du déluge à mesure qu'il se desséchait. Le soleil clair, sur son miroir liquide, dardait ses chauds regards et buvait largement la fraîche vague, comme ayant soif. Ce qui fit que, d'un lac immobile, les eaux, en rétrécissant leur inondation, devinrent un ébe agile, qui se déroba d'un pas léger vers l'abîme, lequel avait maintenant baissé ses écluses, comme le ciel fermait ses cataractes. L'arche ne flotte plus, mais elle paraît atterrie, et fixée fortement au sommet de quelque haute montagne. À présent, les cimes des collines apparaissent comme des rochers. Les courants rapides conduisent à grand bruit leur furieuse marée dans la mer qui se retire. Aussitôt, s'envole de l'arche un corbeau, et après lui, une colombe, plus sûre messagère, envoyée une fois et de rechef, pour découvrir quelque arbre verdoyant ou quelque terre sur laquelle elle put poser son pied. Revenue la seconde fois, elle rapporte dans son bec un rameau d'olivier, signe pacifique. Bientôt, la terre paraît sèche et l'antique père descend de son arche avec toute sa suite. Alors, plein de gratitude, levant ses mains et ses pieux regards vers le ciel, il vit sur sa tête un nuage de rosée, et dans ce nuage un arc, remarquable par trois bandes de brillantes couleurs, annonçant la paix de Dieu et une alliance nouvelle. À cette vue, le cœur d'Adam, auparavant si triste, grandement se réjouit, et il éclate ainsi dans sa joie. Ô toi qui peux offrir les choses futures comme étant présentes, instructeur céleste, je renais à cette dernière vision, assuré que l'homme vivra avec toutes les créatures et que leur race sera conservée. Je gémis beaucoup moins à présent de la destruction d'un monde entier d'enfants coupables que je ne me réjouis de trouver un homme si parfait et si juste que Dieu ait daigné faire sortir un autre monde de cet homme et oublier sa colère. Mais dis-moi ce qui signifie ces bandes colorées dans le ciel, dessinées comme le sourcil de Dieu apaisé? Servent-elles comme une nare fleurie à lier les fluides bords de cette même nuée d'eau, de peur qu'elle ne se dissolve encore et n'inonde la terre? L'archange. Ingénieusement, tu as conjecturé. Oui, Dieu a bien voulu calmer sa colère, quoiqu'il se soit dernièrement repenti d'avoir créé l'homme dépravé. Il s'était affligé dans son cœur lorsque, abaissant ses regards, il avait vu la terre entière remplie de violence et toute chair corrompant ses voies. Cependant, les méchants écartés, un homme juste trouve tellement grâce à ses yeux qu'il s'apaise et ne fasse pas du monde le genre humain. Il fait la promesse de ne jamais détruire encore la terre par un déluge, de ne laisser jamais l'océan franchir ses bornes, ni la pluie noyer le monde avec l'homme et les animaux dedans. Mais quand il ramènera un nuage sur la terre, il y placera son arc de triple couleur, afin qu'on le regarde et qu'il rappelle son alliance à l'esprit. Le jour et la nuit, le temps de la semaille et de la moisson, la chaleur et la blanche gelée suivront leur cours, jusqu'à ce que le feu purifie toutes les choses nouvelles, avec le ciel et la terre où le juste habitera. Fin de livre 11, deuxième partie. Enregistrement par Thomas Copeland.